J'avais bien envie de te demander des précisions sur votre rapport à l'art corporel. Et c'est après une question là, que j'aimerais aussi reposer à Anne-Marie Faure, qui est aussi la co-réalisatrice d'une bande vidéo très importante des années 70, Malédictine, qui à mon avis se situe aussi dans cette lignée. Et donc voilà, quel était le lien, votre lien avec l'art corporel? Et si je te pose la question, et si j'ai envie de la poser aussi après Anne-Marie, c'est parce que je pense que la question féministe se pose à un moment dans le rapport à l'art corporel, mais oui. Je ne sais pas, peut-être pas dans alors, la question. Ok, d'accord. Alors, le rapport à l'art corporel. Donc, comme je vous ai expliqué, nous, en Grèce, avec Expérience 1, Image de la vie quotidienne, on avait abordé la question donc, de l'épreuve corporelle. Et d'ailleurs, le corps était très important tout le long dans notre théâtre. Le langage corporel était le fondement. Mais là, avec Expérience 1, on entre dans cette question de l'épreuve qui, finalement, est la limite du théâtre. À partir de là, il n'y a plus théâtre, en fait. On réfléchissait beaucoup là-dessus, et quand on arrive à Paris, on découvre l'art corporel. Et ça, c'est une révélation, c'est extraordinaire. On l'a découvert d'ailleurs avec un livre, le livre de Léa Vergine, qui était paru à l'époque, Il corpo come linguaggio, avec une couverture de Urs Lüthi, travestie magnifique. Et c'est là. Et en plus, à l'université à Saint-Charles, où Maria m'avait entraînée, parce que c'était elle, la Saint-Charlienne, et moi j'étais associée. Alors, associée, l'art corporel, jamais entendu parler, mais vraiment jamais entendu parler tout le long. C'était étonnant. Bien. Et d'ailleurs, quand les milieux du théâtre l'ont découvert plus tard, ils étaient mais très négatifs. Très critique, très négatif, et avec une absence totale de compréhension en fait de la démarche. Bon, mais à Saint-Charles, il y avait Bernard Tessèdre, c'est comme ça qu'on a rencontré Journiac, qui avait invité un jour Michel Journiac, qui a parlé de son travail. Et nous, quand on a vu Michel, on était, on a dit bon, lui, il faut qu'on le rencontre. Il était très fort et il était. Il était une personne, mais fondamentalement subversive, par sa propre seule présence. Et donc, comme ça, on apprend que Michel enseigne à Saint-Charles, et l'année prochaine, sans du tout être ni étudiante, tout ça, parce que Maria faisait sa maîtrise, moi ma thèse de l'autre côté, on demande à Michel si on pouvait participer à son cours. Michel était chargé de cours, et il était... Il rouspétait énormément, il disait, voilà, moi quand je n'y vais pas, je n'ai pas d'argent, ce n'est pas possible. Et puis, donc, comme il avait son travail de l'autre côté, il venait rarement au cours. et je me souviens, cette année, il est venu 3-4 fois, il était passionnant. Et puis, il nous a dit, voilà, maintenant, faites chacun quelque chose et on va le voir en fin d'année. Faites quelque chose. Alors, ça c'était Michel. Mais entre-temps, évidemment, on suivait de près, on a tout lu ce qu'il y avait sur l'art corporel. Et on a découvert aussi le travail de Gina Pan. Et Maria était très très touchée par le travail de Gina Pan. Et elle a inscrit donc une maîtrise, qui était, je pense, la première maîtrise faite sur Gina Pan, intitulée « Douleur, blessure et sang ». Dans l'œuvre de Gina Pan, avec Bernard Tessier. Je pense qu'elle l'a soutenu, je ne sais plus quand, en 79, 78, par là. Donc, Maria développe un rapport avec Gina, elle se voit, il y a un long entretien, d'ailleurs j'ai découvert l'enregistrement de l'entretien, pour le coup. Un long entretien avec Gina Pan, et puis à un moment, Gina, qui aimait beaucoup Maria, aussi, invite Maria dans un essai d'action qu'elles font dans un théâtre, dans un café-théâtre. Il y avait la personne qui faisait les vidéos de Gina Pan à l'époque, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais elle habitait rue des Fossés Saint-Jacques, je crois, je me souviens très bien de lui. Et elle avait filmé une action, donc un essai d'action avec Maria et Gina Pan. Ça serait génial si on pouvait jamais le trouver. Bon, Quant à Journiac, il m'avait invité à participer à l'une de ses actions. Donc j'ai effectivement participé au rituel pour un autre, à la galerie Stadler. J'ai beaucoup de choses à raconter parce que c'était beaucoup de choses. Mais là, je ne vais pas entrer dans les anecdotes. Mais Michel voulait que je lui fasse une prise de sang. Ça, je vais raconter parce que c'est quand même assez intéressant. Il avait comme ça fantasmé que j'allais lui faire une prise de sang. Et je lui ai dit, mais Michel, moi, je ne sais pas faire ça. Je ne peux pas te faire ça. Non, il a dit, c'est pas difficile, tu vas voir. Je lui ai dit, mais non, je peux pas, j'ai jamais fait ça, je ne peux pas prendre un tel risque. Mais c'est aucun risque du tout. Non, je ne le fais pas. Il dit, mais tu vas aller dans tel hôpital, je connais une infirmière, et elle va te montrer, comme ça tu vas pouvoir me le faire après. Donc je vais à l'hôpital. La pauvre infirmière m'a dit de tester sur elle. Elle m'est sortie avec un bleu comme ça. Bon. Et moi, je retourne, je dis à Michel, écoute, je ne le fais pas. Donc, fais ce que tu veux, moi, je ne le fais pas. Il dit, bon, mais si c'est comme ça, dans ce cas-là, je vais me faire doubler ou te faire doubler par une infirmière. C'est-à-dire, toi, tu vas faire toute l'action, et puis tu vas simplement me tenir le bras, et c'est l'infirmière qui fera la prise. Je dis, d'accord. Et c'est comme ça qu'on a fait l'action du rituel pour un corps. Donc, en même temps, on était passionnés par ce qu'ils faisaient, tous les deux. Je pense que ils font partie des plus grands artistes qu'il nous ait été donné de rencontrer. Et en même temps, on était critiques par rapport à un certain nombre de choses. Et justement, cette critique, par exemple, ils avaient une sorte, il y avait, mais je pense que c'était aussi le milieu dans lequel ils se trouvaient, parce qu'ils exposaient dans des galeries. Donc à l'époque, il y avait quand même une critique du marché de l'art et une critique de « mais comment est-ce possible, vous faites un travail d'une telle, tellement subversif, comment ce travail peut ensuite se soumettre au marché de l'art ?» Il y avait donc cette interrogation, et un certain nombre donc des critiques qu'on avait par rapport à eux sont apparues, sont sous-jacentes à l'action contre la torture. D'abord, on a choisi de la faire dans un lieu qui ne serait pas un lieu d'art plastique. Hein. Donc, c'était un hangar, c'était un théâtre très politique, dans un lieu très politique, la cartoucherie de Vincennes. On a décidé pas d'argent, rien à voir avec l'argent là-dedans. C'était aussi une réaction à ça. Et puis, une autre critique sous-jacente, une réponse qu'on a apportée, une critique sous-jacente, c'était le collectif. Le collectif. Parce que nous, on venait quand même du théâtre, et à l'époque, dans le théâtre, il y avait une grande culture du collectif. Et c'était aussi une question politique, évidemment, le collectif, parce que finalement, c'est quoi ? C'est un refus d'une hiérarchie. Donc, bon, c'est vrai que le projet, c'était quand même Maria et moi, et c'est vrai que dans une certaine mesure, on conduisait l'expérience, parce que nos camarades étaient plus jeunes, etc. Mais en même temps, on a fait très attention de laisser tout l'espace se développer, l'espace de chacun se développer dans ce cadre, de sorte que ça soit réellement un travail collectif. Et puis il y a des choses que nous, on a appris des autres participants. Par exemple, Xavier Moine est celui qui a apporté la question médicale, la question de la psychiatrie, parce qu'à l'époque, il était infirmier en psychiatrie, d'ailleurs pendant très longtemps ensuite. Très engagé, et par exemple, et une autre personne, Carlo Werner, par exemple, a apporté la question des droits communs, qui était une question qui l'intéressait, qui le brûlait. Donc, si vous voulez, il y a eu tous ces échanges. Donc, le collectif, à ce moment-là, un peu comme opposition à cette sorte de culte de l'artiste, et aussi aux relations qui se développaient entre Michel Journiac et Gina Pal, qui étaient les personnes qu'on connaissait hein, particulièrement, mais c'était la même chose pour Nietzsche, par exemple. Chez Nietzsche, c'était beaucoup plus flagrant, d'ailleurs. Ils avaient toujours des participants dans les actions. Les participants étaient toujours anonymes. Toujours anonymes. Il était absolument impossible de les nommer. Et ça, nous avait quand même choqués. On a dit, mais non. pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens sont anonymes? Mettez-les en petites lettres, tout en bas, ils ne vont rien vous enlever. Mais quand même, c'est des gens qui font des choses précises, qui ont une présence, qui participent à une action, il faut les mentionner. Non, ça c'était un barrage total, il n'y avait rien à faire. Et donc, c'était quand même une relation très hiérarchique. Hein. Et de là aussi, cette opposition ferme à la relation hiérarchique. Et ensuite, notre contre-proposition aussi de double auteur. De double auteur, parce que le nombre de personnes qui fonctionnent en couple et qui ne se déclarent pas double auteur, c'est terrifiant quand même dans l'art. Alors, voilà. Voilà, donc ça fait partie de la relation à l'incorporel. Est-ce que la question féministe intervenait à un moment? En même temps, je sais qu'elle était complètement intégrée en pratique, donc c'est sûrement difficile de distinguer où ça travaille dans cette relation à l'art corporel. À l'art corporel, la question féministe. Mais au-delà du sens qu'on connaît effectivement à l'art corporel. Mais c'était intéressant parce que nous, on était à Sancier et à Saint-Charles. Et jusqu'en 76, lorsque nous avons montré Double Labyrinthe en Italie, dans une manifestation féministe, l'une des premières grandes rétrospectives de films de femmes, qui s'appelait Ciné, bon, ça va me venir, qui était organisée à Rome par Roni Daopulo et Annabella Visculio. Comment? Paola Paoli. Jacqueline. Qui est là, Jacqueline? Laboratorio Cinedonna. Non? C'était pas Cinedonna. Non, c'était deux femmes. Oui, Ronnie. Non, à Rome. Ah, à Rome. Ah oui, c'est pas le même. À Rome. Voilà. Donc c'était Roni Daopulo qui était grecque d'ailleurs, et Annabella Misculio qui était italienne et qui faisait des films en Super 8, et qui est d'ailleurs morte il y a pas mal de temps. Qui avait eu l'idée de créer une rétrospective de films donc réalisés en 76. Et elles avaient deux sections, une section films réalisés par des femmes et une section consacrée aux grandes artistes, grandes actrices italiennes, grandes La Magnani, etc. Et ce n'est que là, quand on s'est trouvé là, qu'on a entendu parler de féminisme. Mais nous étions dans les universités quand même, à Paris. Nous étions à Saint-Charles, nous étions à Sancier. Rien n'était entendu sur cette question. On n'avait pas rien. Et c'est à partir de là que nous commençons donc à entrer dans le mouvement, etc. D'ailleurs, Rome, c'était formidable parce que c'était... On s'est retrouvés aussi dans une salle où il n'y avait que des femmes, salle de cinéma. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que des femmes. On a demandé aux organisatrices, elles nous ont expliqué. Et puis, il y avait un homme dans la salle. On dit, mais attends, vous faites des exceptions, c'est qui cet homme? Et c'était Alberto Moravia, que le féministe italien adorait. Voilà. Mais alors... On ne s'était absolument pas rencontrés à cette époque aussi. Si moi, je me souviens être souvent venue Donc Anne-Marie Fort, rue du Cardinal-Lemoine, à des réunions. Alors c'était des réunions de quoi? Oui, mais c'était... je me souviens très bien de toi. Il y avait des réunions. Il y avait des réunions chez toi. Oui, il y avait plein de réunions en général chez nous à cette époque. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça pouvait être? Je me demande. Je ne sais pas. Il y avait aussi Rosine Grange, non? Oui, il y avait Roseau. Dans le même Roseau. Oui. Sans doute Viviane. Et qu'est-ce qu'on faisait? Vous n'aviez pas les programmations, justement, Mais Anne-Marie, je veux dire que nous, le travail que vous avez fait, d'accord, en vidéo, on ne le connaissait pas à l'époque. On ne le connaissait pas à l'époque. C'est lorsqu'on a rencontré Sine, que nous avons rencontré en 82, qu'elle nous a parlé de ce travail. Mais tu sais, Vidéa, c'était quand même très confidentiel. Vidéa. Dans la mesure où on faisait des films pour sur le mouvement des femmes, pour les femmes du mouvement, avec des diffusions qui étaient uniquement internes. On avait très peu, sauf on a commencé à montrer, quand on avait fait, je ne sais pas si on avait montré des films, peut-être parce que c'était beaucoup de vidéos, à l'Action République, en fait, en 78. Ah oui, mais nous sommes toutes des filmatrices, par exemple, tu l'as montré oui. à l'Action République. Là, on avait montré tous les films. Et c'était dans quel cas ça, c'est, alors là, on était en 1978, au printemps, je crois que c'est le mai. Un festival de vidéos de femmes que Carole, Johanna, Bider, Delphine Seri et moi-même, on avait organisé. C'était Paolo Branco qui avait l'Action République à l'époque, ouais. Avant qu'il fasse de la production. Ah, non, on n'a pas été à ce festival. Donc, tu n'y étais pas. Donc, c'est pas pour je ne connaissais pas. Qu'on se rencontrait. Exactement. Tu te souviens des années, au moins, Lévi? Si vous vous souvenez des années. 1975, je dirais. À partir de quand vous avez habité au Cardinal? 75 jusqu'à 85, 10 ans. Bon, tu m'éclaireras pas là-dessus. Oui, oui. On va se souvenir. Mais je suis en train de me dire, est-ce que ça ne pouvait pas être fait? Et là, je me tourne. Où est Monique? Ben, tu es juste là, Monique Martineau-Hendel. Parce qu'il me semble avoir vu vos noms à toutes, justement, dans celles qui ont contribué à l'élaboration du numéro spécial du numéro sur les femmes. Et en particulier à l'élaboration de la filmographie qui est encore aujourd'hui reste la filmographie de référence pour qui s'intéresse au cinéma féministe ou au cinéma réalisé par les femmes dans les années 70. Donc vous y aviez et où Monique nous avait confié le chapitre oui. Maria et Caterina avaient fait le chapitre sur le cinéma expérimental. C'est ça. Bah, en tout cas vous aviez vous c'est y aviez publié me semble-t-il pour la première fois votre manifeste. Le manifeste pour une féminité radicale pour un cinéma autre était publié dans Cinémaction numéro 1, je ne sais plus, c'était le premier, 10 ans après mai 68, cinéma de contestation. Et ensuite, dans le numéro que tu coordonnais, il y a eu un entretien que nous avait fait Pierre De Tassis pour la revue FF en Italie. Plus, tu nous avais demandé donc de faire un répertoire de films expérimentaux réalisés par des femmes. Oui. Et donc, on l'avait fait, voilà. Oui. Oh, juste une petite parenthèse par rapport à cette filmographie. Je l'ai évoqué, je crois, quand je suis intervenue. C'était, je ne sais pas, il y a plus de 15 femmes, dont Yvonne, Jackie, vraiment... beaucoup de femmes qui ont collaboré, bien sûr, Rosine, Viviane, qui ont été une source très importante aussi. J'avais une question sur le nom collectif 010. Ça veut dire quoi? Parce que nous étions 10. Et on n'avait pas collectif 10. Et donc on a fait collectif 010. C'est tout. Mais évidemment, ça a une actualité. Hein. Depuis le numérique, 010, ça devient. Je pense qu'il y a un collectif d'artistes qui s'appelle 010 plusieurs fois maintenant. Et qui font des interventions sur Internet. Et le choix aussi de signer toutes les œuvres d'un double nom, double auteur. Est-ce que c'est un rapport avec Double Labyrinthe aussi, le titre sur Labyrinthe de vie ou non? Double Labyrinthe, c'était notre double labyrinthe, c'est-à-dire chacune, son labyrinthe à chacune. C'était ça le double labyrinthe. Mais c'est vrai que c'est avec Double Labyrinthe qu'on commence vraiment à co-signer. Parce que jusque-là, on avait des fonctions, comme vous avez vu sur les petits cartels du théâtre, on avait chacune sa fonction. Et à partir d'un moment, d'ailleurs pour expérience 1, on le signait ensemble, et il y avait aussi évidemment la contribution des acteurs, mais Double Labyrinthe, c'est la première fois que nous avons vraiment assumé cette co-signature C'était à la fois le début de la co-signature, le début du cinéma corporel. C'était très important. Et est-ce que vous avez eu des rapports avec d'autres... Il y a d'autres couples comme ça de co-signataires, je pense à Mulbenayoun pour m'aider là, sur les œuvres. Il y a deux hommes notamment qui signent toujours ensemble. Pierre-Égide, par exemple. Pierre-Égide. C'était sur l'idée de double signature. Parce que je trouve ça. Enfin, je trouve que la position est féministe déjà de signer. Deux femmes quand même là. Deux femmes en plus et aussi contre une certaine façon de penser les droits d'auteur. Enfin, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure en disant que même ceux qui participaient à l'action n'avaient pas droit à la mention de leur nom. Chez les artistes corporels. Voilà. Oui. Donc il y a une sorte de culte du soi, enfin de l'artiste, le soi de l'artiste qui est vraiment hégémonique et qui empêche même en tout petit les caractères de ceux qui participent à la performance. Oui. On pourrait voir ça aussi dans l'actionnisme viennois où c'est des noms et puis tout le reste, les femmes qui sont là, qui sont roulées dans la farine, elles n'ont pas de nom, elles sont... Donc, je trouve que cette position est féministe. Parce que tout à l'heure, il y a une question sur le féminisme. Elle est, bien sûr. Parce que c'est contre aussi une certaine domination des droits d'auteur par le soi de l'artiste. Oui, bien sûr. Oui, certainement qu'elle est féministe. Parce que nous étions deux femmes, quand même. Mmh. Et on se présentait comme un double auteur femme. Mmh. C'était important. Non, il y avait des artistes à l'époque qui co-signaient quand même. Des couples d'artistes, généralement hommes-femmes, pas beaucoup. Je pense que ça s'est généralisé beaucoup ensuite, dans les années 80, et puis actuellement, il y a des milliers d'artistes qui co-signent. Mais à l'époque, c'était quand même rare, cette co-signature. C'était rare. Dans le champ, je parlais de la performance filmée, je citais tout à l'heure Marina Farouche et Oulette. Oui. Voilà.